À vous des questions? Vous en avez plein? Vous pouvez me partir. Allez-y. Monsieur, autre question? Très pense. Oui? Quand vous vivez des expériences, d'abord, premièrement, quand vous vivez des expériences comme ça, ça fait partie de votre sensibilité. Puis, plus vous allez évoluer, bien, plus vous allez vous sensibiliser, mais avec le temps, vous allez être moins affecté par ce que vous vivez parce que la conscience mentale de votre expérience astrale va se stabiliser. Fait qu'au début, c'est normal, on se pose des questions, pourquoi ci, pourquoi ça, mais avec le temps, vous serez plus intéressé à pourquoi ci, pourquoi ça, parce qu'avec le temps, ça va stabiliser ça. Fait que vivez vos expériences, ceux qui vivent des expériences paranormales parce que vous êtes sensibles, souvent ça fait partie de l'éveil de la conscience, c'est normal, mais plus vous allez vous stabiliser psychiquement, moins ça va, entre parenthèses, vous intéresser au niveau de l'ego. Moins ça va vous affecter, moins ça va susciter chez vous un questionnement profond. Parce qu'oubliez pas une chose. L'homme est un être multidimensionnel. L'homme a une conscience occulte à laquelle il y a très peu, avec laquelle il y a très peu contact. On vit réellement sur un plan psychologique, sur un plan culturel. Mais au fur et à mesure où l'homme entre en conscience avancée, entre dans une conscience profondément axée ou connectée avec son point d'origine, puis il découvre des aspects de lui-même. Mais avec le temps, il perd la curiosité de ça. Oui. Ça n'a pas d'importance. Que ce soit pour vous, que ce soit pour les autres, ça peut aller d'un bord ou de l'autre parce que ça fait simplement partie de l'exposition de votre conscience astrale à votre ego. Puis avec le temps, vous allez voir, il peut se développer d'autres choses par rapport à ça. Mais le point qui est important, c'est que vous ne vous en fassiez pas trop sur le plan psychologique. Bon, là, vous me contrez votre vie, là, il faut que je commence ma conférence. Écoutez le point que j'essaie de faire, là. Le point qui est important pour vous autres, c'est de ne pas en faire un cas. Vivez-les, faites-en pas un cas. Si vous arrivez à la maison, puis votre petite fille est accrochée au plafond, descendez-la, mettez-la à terre, faites-en pas un cas. Si vous en faites un cas, à ce moment-là, vous allez devenir un cas. C'est ça que je veux dire. Comprenez-vous? Prenez-les comme je vous le dis, là. Partez avec ça. Faites-en pas un cas. Donc, avec le temps, mais ça va tout se stabiliser, ça. Puis parce que ce qui est important dans votre relation avec les plans, dans votre relation avec les aspects occultes de votre conscience, c'est que votre ego soit pas chaviré par ça. Que votre ego soit capable d'intégrer cette énergie-là. Puis avec le temps, il va le faire. Bon, mais c'est bon. Fait que restez à ce point-là, puis le reste, on en parlera plus tard. Il y a des Moi, je ne peux pas vous donner des réponses qui font votre affaire. Il faut toujours que je vous donne des réponses qui ne font pas votre affaire. Parce que votre affaire, c'est votre ego, puis votre ego, c'est quelque chose qui va être transcendé par ces énergies-là, qui va être transformé par ces énergies-là. Puis vous auriez toujours la curiosité de ce qui se passe. Un jour, vous allez l'abattre, la curiosité. C'est normal. Comme ça que ça marche. Attendez-vous pas à ce que je réponde, à ce que je réponde pour vous faire plaisir. Bon, là, je commence ma conférence. Okay. Bon, ils disent, l'homme doit apprendre. Dans une lecture, ils disent, l'homme doit apprendre à ne pas s'impliquer dans ce qui se passe avec lui occultement. L'être humain doit apprendre à ne pas s'impliquer avec ce qui se passe avec lui occultement. Pourquoi? Parce qu'il dit, les plans ont affaire, les plans dans leur relation avec l'homme, c'est une relation d'éducation, c'est une relation d'éveil, c'est pas une relation d'émerveillement. L'émerveillement, ça, c'est dû à notre inconscience. C'est dû à notre manque d'expérience. C'est normal que l'homme vive de l'émerveillement quand il vient en contact avec des dimensions de lui-même dont il n'a pas été exposé pendant l'évolution. Mais c'est très important pour lui de comprendre qu'avec le temps, son développement, il faut que ça stabilise ça. Moi, j'ai vécu des expériences dans ma vie depuis 69 qui ont créé de l'émerveillement, puis aujourd'hui, j'en ai rien à foutre. Pourquoi? Parce que l'ego est stabilisé avec ces plans-là. Puis, une des raisons pour laquelle j'ai mené une sorte de guerre pendant 30 ans contre l'occultisme, contre l'ésotérisme, contre tout ce qui est paranormal, c'est pas parce que ça n'existe pas. C'est parce que l'homme doit apprendre à traiter avec ça comme s'il traitait avec les choses de chaque jour pour qu'un jour, il puisse avoir une conscience multidimensionnelle, très bien intégrée, très bien balancée, pour qu'il puisse travailler chez Eton, puis en même temps, vivre ce qui le touche de proche. Si l'homme n'apprend pas ça et ne transforme pas sa conscience d'une manière réellement créative, ben il devient éventuellement débalancé, il devient psychique, il devient médium niaiseux, puis avec le temps, ben, il perd contact avec sa réalité parce que le but de ces forces-là, selon l'individu, c'est d'élever sa conscience vers un plan mental suffisamment avancé puis agencé pour que l'ego en soit pas affecté. Donc à ce moment-là, bien, l'homme a réellement des outils extraordinaires pour comprendre la vie, la mort, le travail, toutes les choses qui nous appartiennent dans une expérience planétaire. Sinon, bien, on est toujours asphyxié, on est toujours en angoisse, on est toujours anxieux, on est toujours débalancé, puis notre vie, c'est un enfer. Alors, on commence aujourd'hui, depuis un certain nombre d'années, à développer une psychologie évolutionnaire, c'est-à-dire une psychologie qui n'est pas basée sur la réflexion, mais sur l'intégration de nos énergies subtiles. Puis ça, chaque individu va le vivre à son rythme, dans son temps. L'humanité, oublie ça va être bien long. Fait que, quand l'homme va commencer à avoir un contact télépathique avec le plan mental, pas avec le plan astral, avec le plan mental, il va commencer à s'habituer et il va devenir extrêmement lucide, extrêmement capable de voir dans les nuances de ce qu'on appelle le monde de l'esprit, autrement dit, de l'intelligence pure. Puis à ce moment-là, bien, l'homme va devenir intelligent dans le sens qu'il ne vivra plus d'expérience sur le plan matériel, il vivra d'une conscience créative. Bon, ils disent que les plans vont toujours soulever dans leur contact avec l'homme, au niveau médiumnique, au niveau astral, au niveau des rêves, au niveau des... Ils vont toujours soulever chez l'homme une sorte d'angoisse spirituelle parce que l'homme n'a pas conscience des plans monociels. L'homme n'a pas conscience du plan mental. L'homme n'a pas conscience de l'origine de sa pensée. Donc, il ne sait pas, au niveau de son moi, parce qu'il n'a pas l'expérience, comment traiter avec ça. Comment traiter avec ça? Il faut que l'homme en arrive à pouvoir traiter avec ça d'une façon réellement magistrale pour ne pas être sur le plan matériel débalancé dans ses corps. Il y a beaucoup de gens dans le monde aujourd'hui qui souffrent de maladies mentales, qui vont chez les psychiatres, qui vont chez les psychologues pour pouvoir se traiter au niveau psychologique. Et la raison pour laquelle ils sont obligés de le faire, c'est parce que les hommes ne savent pas comment fonctionne la psyché. Ils ne savent pas comment, d'où vient l'origine de la pensée. Ils ne savent pas comment ce que l'homme est manipulé sur le plan astral. Ils ne savent pas que l'homme est manipulé par les morts sur le plan astral. Ils ne savent pas que l'homme est manipulé même sur le plan mental par les entités morontielles. Pourquoi? Parce que ça ne fait pas partie de notre connaissance. On est fondamentalement une race évolutive. On n'est pas une race évolutive. Donc, la conscience évolutive, elle commence sur le plan matériel. Puis, éventuellement, l'homme va en arriver à pouvoir prendre conscience suffisante de son être matériel et de son être universel pour pouvoir faire la connexion. Si vous n'êtes pas capable de faire la connexion, c'est-à-dire intégrer ces énergies-là, vous allez toujours être perturbé sur le plan matériel parce que vous ne pourrez pas bénéficier de votre propre lumière. C'est pour ça que quand ils transigent avec l'ego, ils ont toujours des réponses qui ne font pas notre affaire. Pourquoi? Parce que ils sont obligés d'ajuster le mental de l'homme à un niveau de conscience suffisamment libre de l'ego pour que l'homme devienne créatif. Alors, à ce moment-là, la vie, tout ce qui compose la vie devient particulièrement adapté à soi-même au lieu que nous soyons des hommes obligés de nous adapter à la vie. Ça, c'est un des grands secrets de l'incarnation et l'homme, éventuellement, va le réaliser. Si vous regardez votre existence sur le plan matériel, vous allez voir qu'en tant qu'ego, vous êtes toujours obligé de vous adapter aux conditions extérieures. Pourquoi? Parce que, en tant qu'ego, vous n'avez pas suffisamment de conscience mentale pour savoir que la vie, votre expérience, est toujours mesurée sur les autres plans par rapport à ce que vous êtes capable de prendre au niveau de l'ego. Si l'homme savait ça, l'homme serait capable, au niveau de l'ego, donc psychologiquement, de se désengager de toutes les vibrations astrales de son moi, donc de ses inquiétudes, tout le tralala, et savoir que, effectivement, la vie dans l'invisible, en relation avec l'ego qui est toujours dans une situation d'émoi, s'ajuste au fur et à mesure où l'ego se sort de cet émoi-là. Mais pour ça, faut que l'homme sache qu'au niveau astral, autrement dit, au niveau de son ego planétaire, il est constamment manipulé. Manipulé veut dire que vos pensées ne sont pas toujours sous votre contrôle. Vos pensées ne sont pas toujours sous votre contrôle. Quand vos pensées seront sous votre contrôle, c'est parce que vous saurez d'où elles viennent, la moindre pensée. La moindre. Fait qu'à ce moment-là, si vous avez des pensées qui vous créent de l'angoisse, mais vos pensées sont sous votre contrôle parce que vous saurez que l'angoisse que vos pensées créent, c'est simplement de la manipulation à partir des autres plans pour ajuster vos corps subtils et faire en sorte que tout le mouvement électrique de cette énergie-là soit créatif, donc pour que vous ayez, en tant qu'ego, une conscience créative. Mais l'homme ne peut pas arriver à ces états de conscience-là en fonction du désir de son ego. C'est pour ça que quand on travaille avec les plans, on travaille toujours avec une opposition. On est toujours en opposition. Il n'y a pas de problème d'être en opposition avec les plans si on sait comment les plans fonctionnent. C'est un petit peu comme un boss d'une compagnie. Vous êtes un employé d'une compagnie, vous avez un patron ici, vous savez que votre patron est très, très efficace. Il peut être en opposition avec vous quand vous avez certaines idées, comme il peut être en accord avec vous quand vous avez certaines idées, mais s'il s'agit qu'il soit en opposition avec vous quand vous avez certaines idées, c'est parce qu'il connaît son affaire, c'est pour ça qu'il est patron. C'est la même chose avec le plan mental. Un jour, l'homme saura, réalisera que le plan mental, autrement dit, la source universelle ou systémique de sa conscience intelligente, s'est parfaitement intégré à son plan de vie. Mais ce n'est pas nécessairement intégré à son ego. Quand vous allez voir des médiums, puis les médiums vous disent, bon, ben dans 2 mois, il va vous arriver telle affaire, puis dans 2 mois, il vous arrive telle affaire, vous êtes content, vous dites, ah, mon médium, il est bon. Ah, là, ça fait votre affaire. Là, c'est écrit sur le mur. Quand c'est écrit sur le mur, là, ça fait votre affaire, vous êtes content. Mais quand c'est écrit sur le mur et que ça ne fait pas votre affaire, vous m'aviez plein de cul. Vous n'êtes pas content. Parce qu'en tant qu'ego, vous n'êtes pas capable de prendre le miel et le fiel en même temps. Vous prenez le miel. Vous ne pourrez jamais en arriver à une conscience mentale supérieure en prenant seulement le miel. Le miel, c'est simplement pour vous attirer. Le fiel, c'est pour vous transformer. Vous ne serez jamais transformé avec le miel, je vous l'assure. J'en ai 30 ans d'expérience. Vous ne serez jamais transformé avec le miel. Si vous voulez du miel, ben, allez aux Indes, allez dans des sociétés ésotériques, allez dans des sectes, ils vont vous en donner du miel. Mais si vous voulez réellement en arriver à une conscience intégrale, à une conscience totalement autonome, basée sur votre propre transformation personnelle, sans avoir de maître dans votre vie, des petits culs qui vous rendent, à ce moment-là, vous allez être obligé de comprendre la relation entre le fiel puis le miel, entre le mental puis l'ego, qui est toujours dans une position de réaction. Vous avez des jobs. Vous perdez votre job, vous friquez. Vous perdez votre blonde, vous friquez. Vous êtes toujours après friquer. Votre vie, c'est du frigage tout le temps. Vous êtes malade, vous friquez. Vous n'êtes pas capable de passer un an sans friquer. Vous passez après 2 heures sans friquer. Puis après ça, là, vous voulez être conscient, vous voulez être en communication télépathique, vous voulez rencontrer des extraterrestres. Après ça, vous vous demandez pourquoi est-ce que je prends un nap depuis 30 ans. Je comprends que je prends un nap depuis 30 ans. C'est à 30 ans que j'essaie de démolir votre conscience spirituelle pour que vous en arriviez éventuellement à une conscience autonome, basé sur vous-même, à votre propre vitesse, au lieu de la vitesse des autres. Le monde dit, il n'est pas fin, Bernard Montréal. Sur le contraire, je suis fin. Je suis bien fin. Mais arrivez-moi pas avec des conneries. L'âge, c'est fini. L'âge de l'homme avec les yeux dans la graisse de bine, là. C'est fini. Quand l'homme va passer de l'involution à l'évolution, la graisse de bine, là, les mains jointes, là, les yeux fermés, c'est fini. Surtout quand vous allez commencer à être en contact télépathique, vous allez savoir que la pensée vient d'ailleurs, puis qu'il y a beaucoup de manipulation dans la conscience de l'homme. Vous allez voir que c'est fini la spiritualité sur la Terre. L'homme rentre dans un cycle d'intelligence, puis le cycle d'intelligence va être très, très, très long. Ça va se faire au niveau de la conscience individuelle. Ça ne se fera jamais au niveau de la conscience collective. Fait qu'attendez-vous à une relation extrêmement corsée entre vous et votre double. Si vous pensez que cette crise de gang-là de l'autre bord sont fins, puis c'est des anges avec des ailes, j'ai des petites nouvelles pour vous autres. Ils disent, l'intelligence, ce n'est pas une dimension qui peut être utilisée pour les vertus agréables de l'ego. It's clear and simple. L'intelligence, ce n'est pas pour le plaisir de l'ego. C'est pour éclairer l'homme. Grosse différence. J'ai jamais eu de plaisir avec eux autres, moi, depuis 30 ans. Puis j'en aurai pas jusqu'à temps que je crève. C'est plaisir. Mais je vois clair. C'est rien que ça que j'ai de besoin. Voir clair. Ils disent que la dimension mentale de l'homme doit être ajustée en fonction... Oups, je l'ai perdu. Il y a rien qui passe. À vous une question? Oui. Allez. Ça, c'est une bonne question. Ça, c'est une bonne question. Ça, c'est une bonne question. Ils disent, la manipulation, ce qu'on appelle nous autres la manipulation, c'est une façon aux énergies mentales de l'homme, aux forces mentales de l'homme, de travailler avec lui. C'est un petit peu comme si vous avez un parent, puis vous avez un enfant. L'enfant, il va aller par là, le parent va le guider par là. L'enfant va crier, le parent va l'amener par là. C'est un petit peu la même relation qu'on a avec les plants. Ils ont trop de science, ils ont trop de science. C'est pour nous faire évoluer. Ça fait partie de l'évolution, c'est pour nous faire évoluer, mais on a un crise d'ego. Puis on a un enfant de chienne d'ego. On a un maudit ego. On a un ego qui est plein de marde. On a un ego qui a été mal éduqué. On a un ego qui a été spiritualisé. On a un ego qui a peur. On a un ego qui croit. On a un ego, là, je pourrais vous donner une litanie d'ego. Puis l'ego, c'est toute la réflexion, puis ça fait partie de ce qu'on appelle nos petites personnalités. Personnalité de pas d'éducation, personnalité de PhD, personnalité de maîtrise, personnalité de prêtrise. On a toutes sortes de personnalités. Puis ces personnalités-là, quand ça vient en contact avec ces énergies-là, qui font partie de notre réalité, je vais dire comme l'histoire japonaise, Ishi du haut du mot, puis nous autres, on reçoit le tas. C'est un petit peu de même que ça marche. Puis il va falloir un jour que l'homme commence à comprendre ça. Quand ça nous a été expliqué au 20e siècle que l'homme pense qu'il pense, que l'origine de la pensée vient d'ailleurs, que l'homme c'est un terminal, que la relation entre le mental, autrement dit sa conscience systémique et son ego, c'est une relation qui, avec le temps, va favoriser un échange télépathique, mais qui, pour le moment, favorise plutôt une réflexion psychologique. Ça, ça fait partie de l'essence de l'homme de l'évolution. Les plans astrales, pourquoi ils ont une habitude là-dessus? Ça, ça dépend. Les plans astrales, ça dépend de notre niveau d'évolution. Il y a des gens qui ne sont, l'homme en général d'ailleurs, n'est pas en contact télépathique avec le plan mental parce que l'homme est un âme incarnée. Et souvent, l'âme n'est pas suffisamment évoluée pour pouvoir absorber la dose difficile, étrange, de cette lumière-là qui fait partie de sa réalité systémique. Donc, entre le plan mental et l'incarnation, vous avez ici le plan astral, qui est le monde des morts, puis les morts, en relation avec ces mondes-là, travaillent pour nous aider. Souvent, on a des morts qui nous aident, mais on a aussi des morts qui nous mettent dans la merde. Fait que pour moi, les morts, c'est toute une gang de sucrés, c'est des entités qui n'ont plus de contact télépathique avec la lumière, ils l'attendent, puis éventuellement sont obligés de revenir en incarnation pour pouvoir éventuellement évoluer, parce que dans le monde de la mort, l'évolution est impossible, parce que la pensée n'existe pas. Pour qu'il y ait évolution d'un âme, il faut qu'il y ait une pensée, et la pensée se fait seulement quand l'âme est incarnée dans le plan matériel. Quand l'âme est en astral, l'âme est simplement une grande mémoire qui flotte, puis qui évolue à l'intérieur du plan astral, mais qui n'évolue pas pour prendre contact télépathique avec la lumière, qui est ce qu'on appelle le phénomène de la pensée. Donc, un mort, ça ne pense pas. Nos pensées ne viennent pas des morts, ils viennent des plans. Nos pensées sont manipulées par les morts, parce que les morts, ils aiment ça communiquer avec nous autres. Les morts, à travers le corps matériel, ils ont l'impression de vivre. Dans leur monde, ils ne vivent pas. Ils sont simplement en suspension animée. À travers nos émotions, ils se nourrissent. Le mort se nourrit de nos émotions. Plus l'homme est émotionnel, plus l'homme a tendance à avoir une conscience astrale, parce que les morts voient nos pensées motivées. Et comme ils voient, ils se connectent. Et souvent, quand on a des relations avec les morts, des gens qui nous ont aimés, des gens avec lesquels on a eu des relations suffisamment proches, nos mains, nos grands-mères, nos chums, ainsi de suite, cette gang-là vient nous coller. Souvent, on a des coques astrales, puis on peut être pogné avec ça pendant des années de temps. Les morts, c'est... Bon, je vais vous le faire à partir du site, là. Les morts sont des entités qui ont besoin de l'homme. Puis ils se nourrissent de l'homme à travers ses émotions. Plus l'homme est inconscient, plus il est émotionnel astralement. Donc, pour eux autres, nous autres, on est une grosse tarte aux pommes. Quand l'homme va passer d'une conscience mentale inférieure à une conscience systémique, puis il va dépasser le plan astral, et à ce moment-là, il va se développer entre l'homme et ses plans d'origine, il va se développer une conscience télépathique. Mais en attendant, l'homme est dans un processus de réflexion, c'est pour ça qu'il s'inquiète tout le temps. Il y a des gens qui ont 3-4 entités, 3-4 coques astrales à raccrocher à eux autres. Allez à Saint-Jean-de-Dieu, vous allez en voir. Ils vont vous dire, le gars va vous dire, comment est-ce qu'il appelle ça, multiple personality, là, des personnalités multiples. Fait que, imagine-toi comment est-ce que tu te fais manipuler quand tu as 2, 3, 4 entités astrales après toi. Fait que, c'est une des raisons pourquoi la vie sur le plan matériel, sur la Terre, est très difficile. Parce que l'homme n'a pas conscience à l'origine de lui-même. Il a conscience juste ici, puis il ne sait même pas comment est-ce que ça vit à travers lui, puis comment est-ce que ça le manipule. Fait que c'est très, très important que l'ego sache. Que l'ego sache que la pensée vient d'ailleurs. Quand l'homme va réellement réaliser ça, que la pensée vient d'ailleurs, à ce moment-là, quand il va se sentir manipulé, autrement dit, quand il va se sentir dans une conscience non créative, il va commencer à piger, puis il va commencer à avoir l'illusion, puis il va commencer à se libérer. Avec le temps, s'étant libéré de ça, bien, il va passer à une conscience télépathique. Quand ça fait ça, bien, la vie commence. C'est un petit peu de mal que ça marche. Il dit, la conscience de l'homme doit être ajustée à son ego. Il dit, on n'a pas de choix. Donc, la conscience que vous avez, c'est toujours proportionnel à l'ego que vous avez. Pas de choix. Il travaille avec ce qu'ils ont. Il travaille avec ce qu'ils ont. Puis souvent, ce qu'ils ont, ça ne vaut pas grand-chose. Ils disent que quand l'homme va prendre conscience de sa réalité systémique, il va être obligé, automatiquement, un petit peu comme une cellule, il va être obligé de se séparer en deux. Il va être obligé de prendre conscience que la vie mentale, c'est réellement une vie à deux. Son principe universel cite et lui cite. Puis avec le temps, ça va s'intégrer. La cellule a les deux parties, mais c'est toujours la même affaire. Mais l'ego s'inquiète. Quand l'ego prend conscience d'être à deux, ça l'inquiète parce qu'il a l'impression de parler contre l'autre. C'est une illusion. Ce qui est en haut est en bas. Fait que tu ne perds pas le contrôle. Mais tu as l'impression de perdre le contrôle. Pourquoi? Parce que ton énergie n'est pas assez intégrée. Quand l'énergie de l'homme sera suffisamment intégrée, il n'y aura pas l'impression de perdre le contrôle. Il n'y a pas de différence entre toi qui conduis ton automobile et le moteur. Ça fait un, c'est connecté, ça. Le moteur, ça va pas par là, puis tout, ça va par là. C'est tout one shot. Il dit, c'est pour ça que vos expériences de vie, puis il dit, c'est la seule manière que vous devriez le regarder, que vos expériences de vie sont la mesure que vous avez de la conscience des plans. Quand vous avez une expérience de vie, vous êtes donné la chance d'avoir la mesure de votre conscience des plans. Autrement dit, de vous, ici, là. Ce que ça veut dire, c'est que si l'homme était réellement conscient des plans, de son origine, de l'origine de sa pensée, de l'origine de son grand moi, de l'origine de l'unicité de sa conscience, il pourrait voir à travers l'expérience de vie la relation entre les plans et lui-même. Autrement dit, qu'il vive n'importe quoi, il ne perdra jamais le contrôle parce qu'il aura toujours conscience des plans. Il y aura toujours des réponses. Fait que si la femme, si la fille a perdu son chum, la fille est capable d'aller intérieurement et se dire, ben, pourquoi j'ai perdu mon chum? Elle aura une réponse. T'as perdu ton chum pour telle raison. Elle comprendra son expérience. Pourquoi j'ai perdu ma job? Pourquoi je suis malade? Pourquoi j'ai perdu mes si? Pourquoi j'ai perdu ça? Pourquoi ça ne va pas? Puis l'homme aura toujours une réponse. Ah, ça c'est une bonne question. Bonne question. Il dit, vous ne pourrez jamais empêcher la souffrance, mais vous pourrez la comprendre. Pensez-vous que je ne souffre pas, moi? Ma vie, c'est une souffrance. Ça fait 30 ans que je souffre. Mais je ne souffre pas aujourd'hui comme je souffrais en 69. Au point où aujourd'hui, la souffrance, ça ne me dérange plus. Pourquoi? Parce que le contact avec les plans est tellement développé que ça ne me fait plus réfléchir sans souffrance. Je ne réfléchis plus sans souffrance. Parce qu'il y a eu trop de nettoyage. Ça a été nettoyé, cette plate-là. L'ego devient transparent avec le temps. Fait que, tant que l'homme va être sur le plan matériel, il va en avoir de la souffrance. Les souffrances changent au fur et à mesure qu'on avance. Les souffrances comme moi que je vis, pour vous autres, ça sera des niaiseries. Les souffrances que vous autres, vous vivez, pour moi, c'est de la connerie. Comprends-tu? Fait que ma sensibilité est tellement grande, que je souffre à des riens, très intensément, alors que vous autres, vous direz, bon, enligne-toi, le Bernard Montréal, là. Mais vous autres, quand je regarde vos souffrances, pour moi, c'est de la connerie. Fait que c'est tout proportionnel à chacun de nous autres. On a tout le taux vibratoire qui va avec notre sensibilité. Mais il vient un temps où on souffre moins de la souffrance parce qu'on connaît la gang. La journée que je souffrirai plus sur le plan matériel, c'est sûr que je passe de l'autre bord. Parce qu'il n'y a plus de travail à faire. Donc, votre question est importante. Elle est bonne. Ils disent que dans le développement de sa conscience, l'homme doit apprendre à s'autogérer. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire apprendre à se construire une carapace. L'animal symbolique de l'homme, ça devrait être la grosse tortue marine. Une carapace. Puis plus l'homme va devenir conscient, mais plus il va développer une carapace. Puis une carapace. On ne peut pas vivre toute notre vie avec les émotions sur le bras. Il se développe une carapace, mais plus on est conscient des plans, plus c'est facile. Parce qu'on connaît la game. On a voué la manipulation. Puis éventuellement, mais quand on sort de la conscience astralisée, ben on a une conscience télépathique. Fait que là, on la voit encore plus. Mais à ce moment-là, on la comprend. Parce que c'est un chum l'autre bord. Mais c'est pas un chum spirituel. C'est pas un chum que t'aimes. C'est pas un chum avec qui tu voudrais avoir la conversation tout le temps. Mais c'est un élément essentiel à ta conscience planétaire. C'est un principe universel qui fait partie de ta conscience systémique. Et c'est totalement, parfaitement raccordé à l'évolution de toi-même. La colère, c'est une chose qui est très intéressante. La colère devient créative pour l'homme quand l'homme sait comment la diriger. En général, l'être humain, quand il vit de la colère, c'est une colère subjective qu'il dirige à l'homme, qu'il dirige à sa société, qu'il dirige aux conditions qui l'entourent. Alors que la colère, éventuellement, chez l'homme, lorsqu'il ne sera plus astralisé, la colère sera dirigée directement au plan mental, et à ce moment-là, ça permettra à l'homme de brûler ses émotions spirituelles. C'est la seule forme de colère que l'homme peut vivre de manière créative. Mais l'homme ne vit pas la colère comme ça, il la vit d'une façon subjective, c'est pour ça que ça détruit ses corps, ça acidifie son système, ça rend sa vie totalement ça déséquilibre complètement sa vie. La colère, on la vit en horizontale au lieu de la vivre en verticale. Si on était conscient des plans, comme l'homme le deviendra, à ce moment-là, on vivra jamais la colère comme on la vit. Et à ce moment-là, ça nous, au lieu de nous détruire, ça permettrait de neutraliser nos énergies spirituelles et ça accélérerait le processus de conscience mentale. Bon, ils disent que l'homme doit prendre conscience de la nature du mental. Regardez bien ça. Premièrement, le mental, c'est une conscience intelligente. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire qu'on a toujours raison. Ils ont toujours raison. Il n'y a rien à faire avec eux autres, ils ont toujours raison. C'est des pleins de nappes forever. C'est normal qu'ils aient toujours raison. Ça, c'est un autre plan. Ils voient, ils voient. Et le fait qu'il a toujours raison, si l'homme est capable de prendre conscience qu'on a toujours raison, surtout quand il y a une conscience télépathique, il dit à ce moment-là, l'homme peut commencer à développer de la résistance à la souffrance. Parce qu'il la comprend. Fait que tu perds ta chum, tu perds ta job. Quand tu es en conscience mentale, tu perds ta job. Tu sais pourquoi tu as perdu ta job. Il y a une raison pourquoi tu as perdu ta job. Ils vont te l'expliquer pourquoi tu as perdu ta job. Ils vont te l'expliquer pourquoi tu as perdu ta job. À ce moment-là, tu vas développer une résistance émotionnelle à ta souffrance. Fait qu'éventuellement, quand tu as développé beaucoup de résistance émotionnelle à tes souffrances planétaires, bon, la vie, elle devient facile. Pas dans le sens que tu ne souffriras plus, mais dans le sens que tu vas toujours comprendre ta souffrance. Puis elle va changer, elle va se nuancer. Moi, je viens ici de vous donner des conférences. Puis je peux vivre une souffrance en descendant de chez nous pour m'en venir ici. Pourquoi? Simplement pour que j'aie suffisamment de faux cul pour avoir un plus haut taux d'adrénaline pour que je vous donne une conférence un petit peu plus électrifiée. Fait que ça sert. Sans ça, j'arriverai ici comme un hippie, là. Puis bonjour, comment ça va? Parce que je peux être bien, bien relax aussi. Tu comprends ce que je veux dire? Oui. Quand je dis résistance à la souffrance, là, je veux dire... Oui, bien, la compréhension, OK? Ouais. Il n'y a pas un effet d'enchaînement, il n'y a pas à ce moment-là, sur ces plans-là, l'extérieur, une augmentation des effets qui vont amener encore plus de souffrance. Bonne question. Okay. Et ça s'arrête. Il dit, ça ne s'arrête jamais sur la terre, la souffrance, c'est toujours. Mais il dit, elle devient autre, elle change, elle se transmute, parce que l'ego se transmute. Moi, je ne souffre plus aujourd'hui comme je souffre en 69. Mais je souffre encore. Moi, je suis chez nous, je suis en train de planter un clou dans le mur, puis je me frappe le doigt, ma vie est une crise de colère. C'est abominable ce que je vis. Mais ça, ça change ma vie. Tandis qu'avant, je n'aurais pas vécu ça. Tandis qu'aujourd'hui, je vais, la moindre chose, je peux souffrir. Mais, non, parce qu'on devient plus sensible, on voit plus la game. Fait que, c'est évidemment, on fait plus attention. Peut-être qu'à 25 ans, j'aurais fait de vitesse sur la route, j'en fais plus de vitesse sur la route. Je prends plus de chance, je me protège. Donc on vient qu'on sait comment dealer avec notre source. On arrive à comprendre notre source. Fait qu'éventuellement, on commence à avoir des vies un petit peu plus agréables, plus calmes, mais il y a toujours un petit trou pour la souffrance. Mais on a de la résistance parce qu'on connaît la gain. Tandis qu'avant, pour la même souffrance, on aurait vécu des douleurs abominables. C'est ça qui change. Parce que l'ego devient plus transparent. Donc, il y a toujours un moyen d'aller chercher, c'est-à-dire pas d'aller chercher, mais il y a toujours moyen, les centrales ont toujours le moyen d'aller chercher. Je posais souvent la question, comment est-ce qu'on en arrive à avoir la paix avec vous autres? Puis il disait, vous en arrivez à avoir la paix avec nous autres dans la mesure où vous en arrivez à comprendre la manipulation. Quand tu comprends la manipulation, à ce moment-là, eux autres aussi sont obligés de s'ajuster. C'est comme ça que l'homme évolue, puis évolue, puis évolue. Je regarde des livres que j'aurais lus, moi, quand j'étais jeune. Malgré que je ne lisais pas ça, là, parce que j'ai pas vécu la même expérience que ça. Mais je regarde des livres, là, La vie des maîtres. Je suis plus capable de lire ça aujourd'hui. Ça, c'est comme... Je suis plus capable. Je suis plus capable, parce que c'est tellement spirituel. C'est bon, ça sert à l'évolution de l'individu, de l'homme. Mais moi, personnellement, je suis plus capable de lire ça. Notre vibration change. On devient mental. On ne peut plus croire. T'sais, l'obscène rame pas. On n'est plus capable de lire ça. C'est une insulte à notre intelligence. T'sais, de penser que des histoires comme ça, qui sont totalement des constructions astrales, représentent une physicalité. T'sais, wake up and smell the coffee. On change. J'étais à vos conférences en 20 ans en arrière, vous faites toujours des conférences. Mm-hmm. Est-ce qu'il y a un certain découragement pour voir est-ce que l'ouvrage reste toujours la même affaire? Est-ce qu'il y a une évolution? Il y a beaucoup de choses qu'on parlait dans ce temps-là, qu'on reportait 20 ans après. Et j'écoutais justement une cassette un matin qui était « Vivre sa vie maintenant ». Pour mon genre aussi, qui est encore très d'actualité. En 20 ans, qu'est-ce qui a changé? Il y a quelque chose qui. Un enfant, un truc de l'être humain, de la société. Dans 20 ans, c'est l'individu qui change. Oui, c'est ça. La société, ça ne change pas. J'ai pas l'impression que ça a changé beaucoup. L'individu. Quand ils disent que l'évolution de la conscience universelle, du plan matériel, ça va se faire au niveau individuel, pas au niveau collectif. Oubliez ça. La conscience au niveau collectif. La conscience, appelez ça comme vous voulez, supramental, whatever. La conscience universelle, ça va se faire au niveau de l'individu. Au niveau de l'individu, on change tout. On change. Moi, j'ai commencé en 69, puis aujourd'hui, j'étais en 2003, puis ça change tout le temps. Mais c'est rendu pas mal raffiné, l'affaire. On n'est pas rendu encore dans la pointe du V. On est dans la pointe du V quand on est ici dans la pointe du V quand on commence à prendre conscience qu'il y a de la manipulation. Quand tu commences à prendre conscience qu'il y a de la manipulation, là, t'es pas mal rendu dans la pointe du V. Puis après ça, on parle au point de vue individu. Oui, au niveau individu. Au niveau société, oubliez ça. Oubliez ça. Ça n'a rien à faire avec le V, la société. Il n'y a rien à faire avec le V. Un homme conscient, la religion, il appartient plus. La politique, il appartient plus. Il n'y a rien sur la terre qui appartient. Pourquoi? Parce qu'il appartient plus à la race de l'homme, au niveau mental. Il fait plus partie de la mémoire de la race, au niveau mental. Ça ne veut pas dire qu'il n'apprécie pas la politique. Moi, j'adore la politique. Je suis les événements qui se passent dans le monde aujourd'hui. Je les suis depuis des années. J'adore la politique. Puis laissez-moi vous dire, je connais ça, la politique. Mais je ne suis pas impliqué dedans. Pourquoi? Parce que tu peux pas mélanger une vibration mentale avec une vibration astrale, qui est politique. Sans ça, tu te fais sauter, tu te fais tirer, je suis techniquement un dictateur, moi. Fait que, je me fais descendre. Fait que si je veux faire quelque chose au niveau politique, je vais aller voir quelqu'un qui est en politique, puis je vais y parler à lui, puis c'est entre nous deux. Ben, moi, il me connaît pas. C'est la seule façon que je peux faire. Fait que l'homme conscient ne peut pas amener sa conscience dans le monde, c'est pour lui. Le reste, quand tu tournes dans le monde, tu fais tes affaires comme avant. À un moment donné, ça va atteindre une masse critique quand même. Ça va atteindre une masse critique? Je vais vous dire une chose. Je doute que ça atteigne une masse critique. Ça, parce que pour que ça atteigne une masse critique, Il faudrait que ça prendrait bien des gens conscients. Puis les plans permettront jamais qu'un individu utilise sa conscience systémique pour bouleverser ce que les autres appellent la conscience des États. La conscience des États, c'est la conscience des hommes. Ils ne feront jamais ça. Parce que bouleverser la conscience des États, ça équivaut à créer des psychoses dans le monde. Et tu ne peux pas créer de psychoses dans le monde parce que ça va contre les lois de la gouvernance universelle. Les hommes ont leur rythme à évoluer. Les nations ont des rôles. La fonction d'une nation, c'est de créer un égrégore collectif suffisamment puissant pour que l'âme de l'individu soit restreinte à l'intérieur de sa mémoire, pour que l'homme vive une vie planétaire à la mesure de son ego. C'est ça la conscience des nations. C'est ça la fonction d'une nation. Un homme qui est conscient ne peut pas participer à ça. Il va participer en tant que corps à ça. Il va participer dans ces structures en tant que corps, mais il ne peut pas bouleverser les structures. Si j'étais en médecine, il y a des choses que je pourrais faire qui seraient en relation avec les lois médicales, parce que c'est eux autres qui me donnent le pouvoir social de pratiquer la médecine, c'est pas moi qui me le donne. Et si je voudrais faire quelque chose absolument paramédical, je serai obligé de sortir des cadres sociaux, respecter les lois sociales, puis peut-être m'ouvrir une clinique au Mexique si le gouvernement me le permet. Ça, c'est légal. Ça, ça a de l'allure. Il y a des médecins qui le font. Dr. Clark le fait. Il y en a d'autres qui le font. Mais tu peux pas utiliser des facultés psychiques qui sont techniquement paranormales, autrement dit, qui ne répondent pas à un consensus social, puis arriver en société, puis t'imposer comme un homme savant ou un homme supérieur. Tu peux pas faire ça, parce qu'un jour, si tu fais ça, ça veut dire que t'es astralisé, puis si t'es astralisé, bien, on sait ce qui se passe. Éventuellement, la société va te chercher, puis la société a raison, parce que tu vas contre tes lois sociales qui servent à tout le monde. Alors que toi, en tant qu'individu, tu veux apporter quelque chose à l'homme, mais qui s'aille pour lui. Si tu veux faire quelque chose pour l'homme qui s'aille pour lui, ben, fais des salles fermées, fais des conférences fermées. Moi, je serais très, très capable de donner des conférences extrêmement avancées à l'être humain. Bien avancées. Occupe-le au point, là, que si t'es pas préparé, là, tu peux facilement aller à Saint-Jean-de-Dieu après. C'est bien facile. Parce que le mental humain, le mental, c'est très vaste. Les structures psychiques de l'ego, c'est très vaste. Les structures de la mémoire sont très vastes. L'universel est très vaste. Fait que si l'homme veut faire quelque chose à ce niveau-là, si c'est utile, si c'est nécessaire, l'homme le fera un jour, que ce soit beau ou que ce soit d'or. L'homme le fera. Mais dans des conditions qui privilègent certains individus, mais qui ne défavorisent pas la société. On n'a pas le droit de débalancer la conscience sociale. Au niveau occulte. Parce qu'au niveau occulte, il n'y a plus de bonne. Tu mets en mouvement des énergies, des énergies, des énergies. Moi, je connais des psychologues qui sont venus dans mes conférences il y a bien des années, puis aujourd'hui, ils ne sont plus capables de travailler dans le cadre extrêmement restreint de la psychologie cartésienne. Puis il y en a qui ont été capables de le faire. Puis je le disais dans le temps, ce que je vous dis, c'est pour vous autres. Quand vous retournez dans le système, respectez le système, prenez les lois, c'est eux autres qui vous donnent le diplôme, puis faites ce que vous pouvez faire avec le système. Si vous n'êtes pas capable, parce que vous êtes trop sensible ou vous voyez trop loin, mais faites d'autres choses. Ça, c'est une des choses les plus importantes que l'homme conscient qui passe d'une évolution à l'évolution doit comprendre. Vous devez respecter la mémoire des masses, mais vous ne pouvez plus demain y participer. Vous pourrez plus le faire. Vous pourrez plus, vous n'aurez plus la vibration. Ça, c'est comme ma mère qui me disait, viens-tu à l'église? Je disais, ouais, j'allais à l'église avec elle, je regardais l'architecture, pour lui faire plaisir, je faisais mon signe de croix. Ça lui faisait plaisir. Son fils était catholique. Mais c'était pour elle que je le faisais. Je faisais ma petite juniflexion. T'es content? Son fils n'était pas un athée. Ça, c'est le respect de l'homme pour la mémoire de la race. Il n'empêche que, à un moment donné, il va y avoir tellement de monde sur la Terre qui va avoir ouvert certains canaux, il va avoir évolué, que même les gouvernements vont changer, la société va changer. À un moment donné. Je vais vous répondre à ça. Ils disent, premièrement, déjà... On parlera pas d'optimisme ici, là, mais on va parler d'une OK. Question. Ils disent déjà la société change. Mais ils disent, attendez-vous à des grands chocs. Il dit, l'homme a besoin de grands chocs pour que change la société. Bon, OK. Alors, l'homme a besoin des grands chocs. Puis, en tout cas, personnellement, j'ai de la difficulté à voir, et je ne peux pas voir encore. Peut-être que dans 10 ans, je vais pouvoir l'avoir, mais je ne peux pas voir que la conscience mentale serve à l'humanité. Je ne peux pas le voir. Au niveau collectif, je ne peux pas le voir. Parce que l'astral chez l'homme est trop fort. Je ne peux pas le voir. Puis peut-être que vous avez raison. Peut-être qu'il y aura une masse critique un jour. S'il y en avait une masse critique un jour, ça serait merveilleux. Mais pour le moment, je ne peux pas le voir. Puis si je vais par en dedans, regardez ce qu'ils disent. Il dit, c'est très peu probable que la conscience mentale serve à l'humanité en entier. Fait que quand on parle d'involution, qu'est-ce qu'on veut dire? On veut dire développement de l'ego. Conscience réflexive. Début de la prise de conscience de la pensée. Dans ce qu'on appelle l'évolution, on parle transparence de l'ego. Conscience télépathique remplaçant la conscience réfléchie. Fait que c'est totalement individuel. Ça, c'est un collectif. Mais ça, c'est individuel. Mais lorsqu'il y aura des personnes au gouvernement, en tête de certains gouvernements, qui ont déjà commencé cette évolution-là, c'est vrai que, si vous dites à ce moment-là, ces personnes-là ne sont même pas intéressées à la politique. C'est effectivement vrai. C'est exactement ce qui se passe. C'est exactement ça. Okay. Parce que ton taux vibratoire échange tellement que ton corps de désir n'est plus le même. Moi, j'ai un ami avec lequel je travaille depuis des années, qui est allé en Corée dernièrement rencontrer des scientifiques qui donnaient une conférence sur le temps. Les scientifiques voulaient étudier le temps. C'est intéressant, l'étude du temps. Puis il m'a appelé à la maison, puis il m'a dit, tu vas me donner quelques idées au niveau du temps. C'est quoi du temps? Babababa. Fait que j'ai donné des données sur le temps. Puis il est allé en Corée. Puis, il a rencontré des gens, puis ces données-là, ils ont trouvé ça très intéressant. Mais de là à pouvoir utiliser ces données-là, c'est un autre pèlerinage. De là à pouvoir traduire ça en équation, c'est un autre pèlerinage. Regardez, parce que, regardez ça. Ils disent que le temps, c'est un facteur d'esprit qui domine le temps. Dans une telle proportion que si l'homme savait qu'est-ce que c'est le temps, il ne pourrait pas vivre sur la terre. Donc, la conscience du temps qu'on a, nous autres, c'est simplement une conscience extrêmement minimale, basée sur un écoulement énergétique de notre conscience astrale, mais qui n'a rien à voir avec le temps en réalité, parce que le temps, c'est un espace pour eux autres. Alors, si le temps pour eux autres, c'est un espace, imaginez-vous ce qu'on vit, nous autres, comme caractéristique spatiale. C'est très, très, très peu. Et si on était réellement conscient du temps, probablement on mourrait. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils disent, en réalité, vous n'êtes jamais en vie de manière continue. Vous mourrez, vous venez au monde, mais dans des intervalles tellement rapides qu'on a l'impression qu'on a une conscience continue. Mais notre conscience est totalement et constamment discontinue. Constamment discontinue. C'est pour ça que quand on entre en contact télépathique avec le plan mental, on entre en contact télépathique avec un espace psychique qui est du temps. Et cet espace psychique-là, ça fait partie de ce qu'on appelle, nous autres, notre conscience en tant qu'ego. L'espace astral, c'est simplement un plan de notre espace psychique. L'espace mental, c'est un autre espace psychique. L'espace astral est plus proche de nous autres parce que notre conscience astrale, nous autres, c'est très, très lié à notre conscience animale parce que c'est à travers notre conscience astrale qu'on a des sentiments, qu'on a des feelings, qu'on peut toucher, c'est à travers le corps astral qu'on peut toucher, alors qu'à travers le corps mental, on peut rien faire. Le corps mental, c'est simplement un corps de lumière. Tandis que le corps astral, c'est un corps de sensation. Puis le corps physique, mais c'est le repositoire de tout ça. Fait qu'on est réellement multidimensionnel, mais on a très peu de contact avec ces plans-là. On a peu de contact avec la réalité d'abord du plan astral, ou on a très peu de contact encore moins avec la réalité du plan mental. Pourquoi? Parce que on sort de l'involution. Regardez ce qu'il dit. Il dit, à nos yeux, il dit, vous, l'homme commence à avoir de l'esprit. Commence. Fait qu'avoir de l'esprit pour eux autres, ça veut dire pouvoir communiquer par télépathie avec eux autres. Fait qu'avant ça, pendant l'évolution, l'homme n'avait pas d'esprit pour eux autres, il y avait simplement de l'âme. On était simplement des âmes incarnées. Là, on commence à avoir de l'esprit. C'est pour ça que pour eux autres, c'est la mentale, ce qui se passe, l'évolution, la transparence de l'ego, la réalisation que la pensée vient d'ailleurs et toute la reformulation de la dialectique psychique de l'homme sur la Terre en relation avec ses sens, ses valeurs humaines, ses valeurs judéo-chrétiennes, la conscience de sa race, c'est absolument incroyable ce qui se passe. Incroyable! Quand tu dis qu'un homme rendu à un certain niveau d'évolution n'est plus capable de croire. Pour vous autres, ça a l'air banal de ne pas croire, parce que quand on dit « l'homme ne croira pas », vous pensez que vous allez faire l'effort de ne pas croire. C'est pas un effort psychologique de ne pas croire, c'est une incapacité. Quand l'homme sera dans l'incapacité de croire, l'homme commencera à être libre. Parce qu'à partir du moment où l'homme croit, il est déjà régi par des systèmes astraux. Doit-on croire, Bernard Lemoyne? Jamais! Tu ne peux pas croire. Ça fait 30 ans, je vous le dis. Vous le croyez, un gars comme moi, vous êtes fait à l'os. Vous êtes fait à l'os parce que je peux manipuler la parole puis la vibration sans fin. Ce que je vais construire aujourd'hui, je vais le défaire demain. Ça fait 30 ans, je fais la même affaire. Mais toujours dans un processus continu. Toujours le même message. Toujours le même message. Fait que, pourquoi ça? Pour que l'homme soit capable, en tant que conscience créative, de regarder toutes les archives de la mémoire humaine, puis de l'amener plus loin dans un processus de conscientisation, pour que lui, en tant qu'individu, devienne libre. Ça nous donne quoi de savoir des choses si on croit? Ça nous donne rien. On est simplement prisonnier d'une plus haute valeur, d'un système de croyance plus développé. Il y a des gens qui me disent, pourquoi vous ne parlez pas des extraterrestres? Je dis, vous parlez des extraterrestres? Je dis, on a de la misère à parler des petites affaires de tous les jours. Vous êtes pas capable de vous décrocher des petites affaires de tous les jours. Puis faut commencer à vous parler de conscience systémique parallèle à nos mondes. Je dis, vous pourrez même pas fonctionner parce que vous croyez. Fait que ça va loin l'affaire de la croyance. Les religions sont basées sur la croyance. Les religions ont servi pendant l'évolution à une chose. Regardez bien ce qu'ils disent. À donner à l'homme l'impression qu'il y a un Dieu. C'est tout ce que ça a servi, les religions. Donner à l'homme l'impression qu'il y a un Dieu, parce que l'homme avait besoin de l'impression qu'il y a un Dieu. Pourquoi? Parce que l'homme, il dit, ne pouvait pas comprendre la gouvernance invisible. C'est pour ça qu'il avait besoin d'un Dieu. Il a besoin d'un pays. Ça va loin. Il y a des gens sophistiqués. J'ai parlé à des gens sophistiqués quand j'étais en France. Puis je leur disais, Dieu, ça n'existe pas. Ils me disaient, ben oui, mais les philosophes l'ont dit, Nietzsche l'a dit, les philosophes du 19e siècle, des Lumières l'ont dit que Dieu n'existait pas. J'ai dit, même quand l'homme ne croit pas que Dieu existe, l'homme pense qu'il existe. J'ai dit, un jour, l'homme saura que Dieu n'existe pas. Et savoir que Dieu n'existe pas n'a rien à faire avec l'athéisme. Ah, ils ont dit, c'est intéressant, ça. C'est une vibration. C'est une incapacité psychique. Tu n'es pas capable d'admettre une infinité parthénalisante. Ça n'existe pas.